une jeune fille chantant pour passer le temps, les amours lointains d'une fille de 15 ans. Aussitôt qu'elle fut promise, aussitôt elle changea de mise, elle prit la vie de matelot et vint s'engager à bord du navire. Elle prit la vie de matelot et vint s'engager à bord du vaisseau. Le capitaine du bâtiment était enchanté d'un si beau jeune homme. Le capitaine du bâtiment la fit appeler sur le gaillard avant. Matelot, ton joli visage, tes cheveux et ton joli corsage me font toujours me souvenant d'une jeune beauté que j'ai tant aimée. Me font toujours me souvenant d'une jeune beauté du port de l'Orient. Monsieur, vous vous moquez de moi, vous me badinez, vous me faites rire. Je n'ai ni frère ni parent et ne suis pas né de l'Orient. Je suis né à la Martinique et même je suis l'enfant unique, et c'est un vaisseau hollandais qui m'a débarqué au port de Boulogne. Mais c'est un vaisseau hollandais qui m'a débarqué au port de Cabestan, faudra que tout le monde y soit et vire.